Alors, ouais. Ce que je t'avais dit, sans commentaire. Mais tu m'en ramèneras des trucs comme ça. Ouais. Hey, barre-toi. Ouais. Hein.